Comment faire, comment plaire, comment se taire pour ma mère. Le sang de mes frères qui coule dans mes repères. J'ai plus de veines, j'ai plus de reines, j'ai que de la haine. De voir ce qui se passe, ma vie s'est arrêtée. Y'a mes plantes qui me fracassent et l'alcool qui me fracasse. Mal dans ma peau, dans ma tête y'a plus de place. Dans mes os y'a que des crasses, la vie c'est dur, j'attends qu'on me remplace. Dans ce monde je suis pas à ma place, j'ai envie de partir, je vois mal partout. La mort est partante, le BPM par tranche. La violence en revanche, la faim entre quatre planches. Je m'en fous, je délivre, je m'en fous, je dérive. Je m'en fous, y'a plus rien qui compte. Plus d'efforts, trop fatigué d'être intrigué par des fausses idées mal fondées, sans aucune idée du respect. Trop essoufflé, j'ai vu que ça tombait pendant que j'écrivais. Portrait d'une âme qui me sert d'arme. Chaque jour ce monde n'a pas de charme. Je le remplis avec mes larmes, sans prolique. Car les grosses têtes sont illogiques. Fin d'existence ironique, toujours les mêmes gestes excentriques. Toujours les mêmes têtes pleines sans fric. Toujours les mêmes balances, suspites, flics, vite cyclique. Supprime les infos, le maquis dans les tripes. Les lèches-culs qui s'astiquent, les PD pleins de mimiques. Les RG en profitent. Pas temps à perdre, la foi je dois la retrouver. Pense ton cul sur la chaise et fais pas style d'avouer. L'estomac est noué car ma lyrique c'est doué. Car mon cœur est troué, prouver ce que tu es ne sert plus à rien. Car t'as déjà montré toutes tes compétences. T'as déjà vautré toutes tes espérances. Tes idées en errance, marre de jamais être entendu. Je suis pas le dernier, des trous du cul. Je vis dans la rue, je vis dans ma tête. Et je veux que ça s'arrête. Pendant qu'il y en a qui rigolent, moi je me pète. Et je m'apprête à rabaisser ceux qui ont des sous et qui se la pètent. Ce qu'ils font les fous et qui me la blesse. Y'en a qui rigolaient pendant que moi je crevais. Y'en a qui se vantaient pendant que moi j'écrivais. Rien dans le ventre, mais tout dans le cœur. Rien dans les poches, et ça m'écœure. Car le passé est passé, faut arrêter de retracer. Ce qui fait fracasser, j'en ai assez. Trop de textes incompris, sa mission s'accomplit. Je veux plus aux gens sans argent, jeunesse ou détergent. Pas d'avenir, on voit la fin venir. Du mal à dormir, va falloir s'endurcir. Parce qu'il y a trop de personnes pour te rabaisser. Trop de personnes ne remarquent pas qu'ils sont en train de te blesser. Plein d'histoires, d'argent, ouais, ça vaut une fessée. Tous en train de s'affaisser. Et si je crie, c'est le texte grand ouvert. Trop de portes ouvertes, trop de vérités couvertes. Trop de sentiments inertes, trop de temps ou presque. Jeunesse percée, des prods m'ont percuté. Des prods prods en permuté. Dérouté, j'ai emprunté les mauvais chemins jusqu'à que ça casse. Mais ça passe, chacun à sa place. Chacun sauf ses tasses, chacun dans sa face. Mais y'a rien derrière ces fausses barrières. Y'a rien derrière ces pauvres grands frères. Sauvez les miens, y'a trop de dangers. Ouais, frère. Sauver les tiens, ouais tu sais c'est tous rassemblés. Pas de cerf fermé, pas de tactique pensée. Pas de mailles dépensées, dépassées par les événements ascendants. J'assure pour les co-descendants, réfractant le mal qui nous touche. Les flics qui te couchent, plein d'images. Ta mère qui te mouche, ta mère qui souffre, toi-même qui te bouffe. Attendre le terminus en patience, connaître l'abstinence. En gros la dalle, la fureur, la râle, la sueur de la balle.